C'est ça, D6-4-4-4-12. Ah, adressé à toutes les langues de but. Ouais, ouais. Allez, vos mères. On va tous vous couper les langues, vous couper les langues. Ouais, je vois, je voulais quoi. Parler sur moi jusqu'à je vous crève l'estomac. Y'a que du blabla, alors maintenant ça fait bra bra. C'est pour bra bra, une grosse langue, donc venez, venez me laisser le clan. Moi j'encule l'agent, sergent, le gouvernement ainsi que les perdants. Vous êtes prévenus maintenant, bande de pus, c'est affolant. Vous actez trop, vous passez vos journées au comico. Donc arrêtez de sucer pour une barrette de choco. Et ouais gros, Nick Barack Obama, c'est pour la fama. Fais du bon son, passe au 8 Serge Lama. Fais aux mecs qui ont la dalle. Moi et mes potes, on veut être invités au bal. C'est le scandale, 92 ça fait mal. Il nous faut de la malle, remballe. Toi et tes nymphomanes, man. On va vous crever, espèce d'enculé. On veut nous toucher, beaucoup d'intimités. Sans se faire niquer, laissez pas d'imiter. Le flot de bâtard, la rue va te la mettre au tard. Et si c'est pas la mort, c'est le placard. On vient des squares de Nanterre jusqu'à la regarde. C'est pour les caillards, nique les grosses carbas. On fait du rap de rue, nique les larves du. Ainsi que les langues de pute, c'est que le début. C'est que le bout de ma queue, et ouais vieux. Joue charcute à l'opinel, bande de chiens, vous finirez tous dans une poubelle. Mon gros up pour vous péter la rondelle. C'est pour ma MIFA 92, qui restera toujours éternelle. Et les langues de dingue, je vous perfore les tympans. Je fais du rap à plein temps, ce que vous dites ça m'atteint pas. Pourtant de vous à moi y'a qu'un pas. Alors maintenant qu'est pas ça. Bloqué dans une impasse, t'as plus qu'à passer ton Z là. Critiquer, c'est pour ça que vous êtes là. D6-13-92, illicite, là il vous éclate. Devant le micro on éclate, on t'écrase, on déglace. J'ai des caisses entières de face, on te casse la face de force. Si les choses se corsent, alors va muscler ton torse. Mais quand tu pousses la fonte, un deck à l'entorse. Pour les bolos, j'ai un bon moyen de distraction. C'est de le voir béton au bout de distraction. Je passe à l'action, tu kiffes plus que dans un parc d'attraction. Je peux pas me permettre d'être absent, alors écoute ce rap sanglant. Quand je pars chez ta soeur, ça sent le gland. J'ai la haine, ça s'entend. On s'en tape de ce que t'en penses, on se tape de vos tendances. Je viens du sud de la France, 83 for life, ma vie sur feuille blanche. Pour tous les gars de ma branche, j'embranche les faux, j'ai les gros. Et le couteau dans la sacoche, alors si ça cloche, nous on chlasse. Sale mioche, j'ai pas le temps pour les classes. Hoche la tête sur notre hashtag. Tu veux me tirer dessus, t'appelles. J'suis dans le GR ou à la regarde, j'te le rappelle. J'viens couper les langues de pute au scalpel. Que tu sois une grosse crapule, un petit trapu ou encore un gosse barbu. Moi j'suis juste un fumeur d'obus. Et ça fait longtemps que j'suis sans but, sans scrupule. Ça m'arrange du bruit, plus marrant que du boss. Et j't'emmerde si mes potes sont plus marrants que du blunt. Ouais! Ouais c'était 6, trêve 92, si connais la teuf. Ouais, on vous prend tous en partout, c'est la merde partout. En plus le monde part, on part tous. Bouge de là, vous êtes même pas de mon clan et vous osez parler sur moi. Ah, un son du voir, ça vend du set là. Tapis, on est prêt à saigner pour avoir du yébi. On prend tout même des centimes, j'ai à ma team, chip, clic clic. Voilà ma clique, autant que ça me bling bling. File, avant que je t'enfile. Nous on t'enfile pour des centimes, pas de sentiments. On veut réussir sans trimer, alors on s'entraîne à rimer. On débarque, préparer notre arrivée. C'est pour séquelles et ma squadrade cramée qui transporte des grammes. Alors pédale, décale avant qu'on brise le crâne. Nous on fait du haut de gamme, des hauts de scène au bar, y'a de la bonne gamme. Enfile la vodka pour une tasse ou un casse. Ou même un drive by en caisse. On frappe fort et on encaisse. On vient prendre ce qu'il y a à prendre, passer à la caisse. Je fais pas du rap de tête, je le dis. Moi je deal où je vis et je vise les jaloux qui derrière moi partent sur mon cul et devant se mettent à genoux pour me sucer la bite. C'est ça. On a des langues de bonhomme. C'est ça.